دونك اون كونتينيو ان شاء الله نواصل دراستنا في كتاب صفات الصلاه. دونك اون va continuer notre étude sur le livre La description de la prière. قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثالث. قال أهمية الصلاة شرعا. لا le troisième فصل, le troisième chapitre qu'on va étudier, puisque dans les assises précédentes concernant la description de la prière, on a étudié deux chapitres. Dans ce nouveau chapitre, donc dans le premier chapitre, on a étudié le sens de la prière, son sens linguistique dans la langue arabe et son sens religieux. Ensuite, dans le deuxième chapitre, l'auteur nous a enseigné quand et où fut prescrite la prière quotidienne, les prières quotidiennes. Et dans ce troisième chapitre, l'auteur va parler de l'importance. C'est pour ça que dans le chapitre précédent, l'auteur a mentionné le hadith lié au moment où fut prescrite la prière. Pourquoi ? Parce que c'était le sujet. Et dans le deuxième chapitre, l'auteur n'a pas parlé des mérites et des faveurs de la prière. Pourquoi ? Parce qu'il va traiter cela dans ce qui arrive. Le chapitre précédent, c'était lié à l'endroit et au temps et à l'époque où fut prescrite et légiférée cette adoration qui est le deuxième pilier de l'islam, les prières quotidiennes. في هذا الفصل قال المصنف إن للصلاة أهمية عظيمة ومكانة عالية في الإسلام فهي أحد أركان الإسلام العظيمة. Donc il commence en disant la prière est d'une importance majeure et immense. Et le rang de la prière est immensément élevé. Et sa valeur est immensément élevée. فَهِيَ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ الْعَظِيمَ. Pour cela, elle fait partie des cinq piliers de l'islam. بَلْ هِيَ أَهَمُّهَا بَعْدَ الشَّهَادَتَيْنِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيَدُلُّ عَلَى أَهَمِّيَتِهَا أَنَّهَا مِنْ أَهَمِ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ وَهِيَ فِي الْمَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ لأن الذي قبلها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فهي إذن ركنه الأعظم بعد الشهادتين بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Donc ici vous allez voir que l'auteur va énumérer différents points qui prouvent et indiquent l'importance de cette adoration, de la prière. Et il va citer premier point, deuxième point, troisième point, différents points. Le premier point qui prouve l'importance et la grandeur et le rang élevé dans notre religion de la prière, c'est le fait qu'il soit parmi les piliers de l'islam et il vient en deuxième position. Il est le deuxième pilier de l'islam. Pourquoi ? Parce qu'il vient juste après le témoignage de foi, l'attestation de foi. Et il dit l'attestation qu'il n'y a nul ilah, si ce n'est Allah Azza wa Jal, et l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah. C'est ça qui vient avant la prière et qui est considéré comme le premier pilier. Sinon, après Ash-Shahadatan, après les deux témoignages et les deux attestations, l'œuvre qui vient ensuite, c'est la prière. Et donc après cela, après le témoignage, l'œuvre la plus importante, c'est As-Salah, c'est la prière. Qala, regardez, il dit, elle vient en deuxième position. Parce qu'avant la prière, il y a le témoignage. Il y a Ash-Shahadatan. Thaniyan, deuxièmement, Qala, wa annaha umud ad-din. Haythu Qala, sallallahu alayhi wa sallam, ra'asu al-amr al-islam, ra'asu al-amr al-islam. وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. Ça c'est le deuxième point. Le deuxième point, il rapporte un hadith et il dit que ce qui prouve l'importance de la prière, c'est que toute la religion repose sur cette œuvre. Toute la religion, c'est-à-dire que la prière, c'est Amoud ad-Din. Elle est les membres de la religion. Elle est sur quoi repose la religion. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté dans Zahadith, Zahadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi fi Abwab al-Iman, dans les chapitres concernant al-Iman. Et Babu Maja'a fi Hurmati al-Salah, concernant le chapitre, ce qui est venu concernant le caractère sacré de la prière. C'est un chapitre qu'il y a dans le Sunan al-Tirmidhi. Et donc dans ce chapitre-là, l'imam al-Tirmidhi recense ce récit, où il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La tête de cette religion est la profession de foi, l'islam, les membres sur lesquels elle repose, la prière, et son point culminant, le djihad. » Et donc regardez, concernant la prière, il dit « Wa umuduhu as-salah » C'est-à-dire que la religion repose sur « as-salah »« Umudu » C'est pour ça que l'auteur, dans ce deuxième point, il dit le, comme il dit, Amoudou, Amoudou as-salah, que la prière c'est Amoud ad-Din, il se base sur ce récit. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Amoudou as-salah, as-salah. Donc vous avez vu l'importance dans ce deuxième point de la prière. Thalithan qala, annaha khassatan min ou khassa. من بين سائر أركان الإسلام غير الشهادتين إذا تركها الإنسان فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة أي إنه يكون كفرعون وهامان وأبي ابن خالف Troisièmement, c'est que cette prière a une particularité. Troisièmement, ce qui prouve la grandeur et l'importance de la prière dans notre religion, c'est qu'elle a une particularité, dans le sens, elle a une spécificité. Elle a, cette prière, une spécificité par rapport aux autres piliers de l'islam. Donc, par rapport aux autres piliers de l'islam, la prière a une spécificité. Et il dit, en dehors, bien sûr, en dehors de Shahadatayn. En dehors des deux témoignages, Ash-Shahadatayn, le premier pilier, c'est-à-dire de l'islam. La spécificité en dehors des deux Shahadatayn, de la prière, la personne, إِذَا تَرَكَهَا الْإِنسَانُ فَهُوَ كَافِرٌ. Celui qui la délaisse, il est considéré non musulman. Il est sorti de la sphère de l'islam. Pourquoi ? Parce que la pratique de la prière fait partie des obligations religieuses pour le croyant. Et donc le musulman ne doit pas délaisser cette prière. Elle est une prescription pour lui et une obligation pour lui. De sorte que les savants considèrent que celui donc qui la délaisse et délaisse le deuxième pilier de l'islam, sorti de l'affaire de l'islam. Qala innahu yakun et donc il est Innahu yakun, il sera avec Pharaon, Wahaman, Wa'ubay ibn Khalaf, Wa'aula, Rous al-Kafara. Et donc il sera, comme il est cité dans un récit, et l'auteur fait référence à un hadith où il est rapporté que celui qui délaisse justement la prière, elle ne sera pas pour lui une lumière, une protection, une sauvegarde pour lui, et un argument le jour de la rétribution. Et il sera ressuscité justement avec Pharaon, Haman et Ubay ibn Khalaf. Cheikh il dit وَلَسْنَا نَقُلْ ذَلِكَ مِنْ بَابِ التَّخْوِيفِ أَوْ مِنْ بَابِ التَّرْهِيبِ أَوْ مِنْ بَابِ التَّشْوِيقِ إِلَى فِعْلِهَا وَلَكِنَّنَا نَقُلْ ذَلِكَ نَسْتَنِيدْ فِيهِ إِلَى دَلِيلٍ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ. Cheikh il dit une parole très importante. Il dit nous disons pas cela. On dit pas cela pour juste, en quelque sorte, faire peur. On dit pas cela juste pour faire peur ou en guise d'incitation, par exemple, ou d'exhortation, par exemple. Il dit, on ne dit pas cela, pour cette raison seulement. Mais il dit, on s'appuie sur des preuves du livre, de la tradition, et de ce qui nous est rapporté parmi les enseignements des compagnons. De ce qui nous est rapporté parmi les enseignements des compagnons. Et donc il dit, autrement dit, nous disons pas cela pour inquiéter ou pour effrayer ou pour donner l'envie, c'est-à-dire inciter à l'accomplir, mais nous affirmons cela parce que nous disposons de preuves tirées du livre, de la sunna et des paroles des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, c'est un hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui préserve man hafaz ala salati, celui qui préserve sa prière, le jour de la rétribution, elle sera nourun, elle sera une lumière pour lui, et elle sera un burhan, ou un najah, elle sera une sauvegarde pour lui, un sauvetage en quelque sorte, et elle sera un argument pour lui. Mais le prophète ensemble nous dit, wa man lam yuhafiz alayha, tandis que celui qui ne protège pas et préserve pas cette prière-là, elle sera ni un nur, ni najah, ni burhan, le jour de l'attribution, et avec Pharaon, Haman et Ubay ibn Khalaf. Et donc chaque croyant ne voudrait pas être ressuscité avec Pharaon. Chaque croyant ne voudrait pas être ressuscité avec Ubay ibn Khalaf, par exemple. Avec Haoula, avec ceux qu'a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être ressuscité avec eux? Qu'est-ce que nous dit le prophète sallam? De préserver sa prière. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que notre prière soit une lumière le jour de la rétribution? On aura besoin. Un sauvetage. Un najah. Et un argument le jour de la rétribution. As-salah. C'est pour ça que le prophète sallam, avant de mourir, il disait As-salah. Wa ma malakat aymanukum. Le prophète exhortait la prière. Non pour le croyant, la prière c'est qurratul a'yun. C'est la réjouissance. La prière c'est le délice, le plaisir du croyant. C'est pour ça que l'auteur nous dit amma al-arkan thalatha al-akhira. Tandis qu'il dit les autres piliers de l'islam. Ita az-zakah wa sawm ramadan wa hajj al-bayt. Qala فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم تاركها ليس جحدا لوجوبها لكن تهاونا بها ولكن القول الراجح ان تاركها لا يكفر. قال tandis que les autres piliers de l'islam comme le fait de s'acquitter de la zakat. D'ailleurs ça c'est un sujet très important. Si Allah nous le permet, après la salah, après des cours sur la description de la prière, si Allah nous le permet d'étudier Ahkam al-Zakat, les règles de la zakat. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ignorent les règles de la zakat, de sorte qu'ils ne s'acquittent pas. En réalité, beaucoup de musulmans ne s'acquittent pas de leur zakat. Ils confondent entre sadaqa, l'aumône générale, ou bien parfois avec zakat al-fitr, la zakat de la rupture du mois du ramadan, ou parfois certains, dans l'année, ils sortent une sadaqa, une aumône, et ils disent c'est ma zakat. Or, les règles de la zakat ne sont pas respectées et observées, et donc on a beaucoup à apprendre concernant ce pilier. Surtout par exemple pour les commerçants, pour ceux qui détiennent par exemple des terres ou autres. Donc il y a des choses sur lesquelles on doit sortir, s'acquitter de la zakat. C'est pas juste sur l'argent. C'est pas juste sur de l'argent que la personne a placé dans un compte en banque, par exemple. C'est pas juste sur ça, az-zakat. Donc ça, là, nous le permet. On essaiera d'étudier, après la salat, ahkam az-zakat. Al-Muhim. En ce qui concerne les autres piliers de l'islam, il dit, comme l'az-zakat, l'aumône légale, ou bien le jeûne du ramadan, ou bien le pèlerinage, il dit, celui qui délaisse, il dit contrairement à la prière, celui qui délaisse, le jeûne du ramadan, ou bien le pèlerinage, ou bien la zakat, mais sans pour autant renier le caractère obligatoire de ces actions-là et de ces piliers-là. Il ne renie pas, lui, il sait que c'est obligatoire. Parce que si la personne renie le caractère obligatoire, il n'y a pas de débat. Si la personne dit, par exemple, la zakat, ce n'est pas une obligation en vérité, c'est quelque chose de surrogatoire. Ou bien, le jeûne du mois du ramadan, tu peux jeûner quand tu ne peux pas jeûner, si tu veux, c'est selon ton bon vouloir, et ce n'est pas une obligation. Ou bien, par exemple, le pèlerinage, si tu le fais, c'est bien, si tu le fais, c'est pas grave, c'est selon ton bon vouloir. Hada yakfur. Lui ne peut pas être musulman. Pourquoi ? Parce qu'il a renié l'obligation. C'est ce qu'on appelle el-juhud. Il a renié l'obligation du pilier. Il ne peut pas être musulman. Le musulman ne peut pas penser de cette manière. Le musulman ne doute pas sur l'obligation de ses œuvres. Le fait de s'acquitter de la zakat, le fait de jeûner le mois du ramadan, le fait de faire le pèlerinage au moins une fois dans sa vie. Il ne doute pas sur l'obligation. Par contre, celui, le débat chez les grands théologiens musulmans est sur celui qui va délaisser cela par paresse. Non pas qu'il renie le caractère obligatoire, mais il délaisse cela parce qu'il est tahawan, ou yatakasal. Parce que lui, il se laisse aller, un délaissement, il est paresseux. Mais il ne renie pas le caractère obligatoire. Ikhtalaf al-ulama. Certains ont dit que celui qui délaisse un de ses actes ou un de ses piliers de l'islam, même par paresse, yakfur. Il sort de la sphère de l'islam. Il ne peut pas être considéré musulman. Et d'autres savants ont dit non. Il reste musulman avec la gravité du délaissement de cela. Et Cheikh, lui, son avis, il dit ولكن القول الراجح ان تاركها لا يكفر. Mais lui son avis c'est que la yakfur, il ne sort pas de la sphère de l'islam. Donc en quelque sorte Cheikh Ibn Uthaymeen veut mettre en exergue, veut mettre en apparence l'importance de la prière parce que lui il voit la différence. Il est en train d'expliquer pour lui son avis. Il est en train de dire que en ce qui concerne la prière, celui qui la délaisse par paresse ou délaisse par tahawun, il s'est laissé aller, c'est tout au même, pour lui c'est pareil, qu'il a renié le caractère obligatoire ou bien qu'il l'a délaissé par paresse. Pour lui c'est le même jugement, l'auteur. Pour lui c'est le même jugement, il n'est pas musulman. Il a même un sermon où il jure par trois fois. Il dit wallahi, wallahi, wallahi, il jure par trois fois. Sur cette question, Cheikh n'avait aucun doute sur cela. La prière, le musulman ne peut pas ni la renier ni la délaisser par paresse. Qala wa amma as-salatu fa innal adillata min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa ma hukiya min ijma'i as-sahaba radiyallahu anhum tadullu ala anna tarikaha kafir kufran mukhrijan عن الملة وإن كان مقرا بوجوبها وهذا يدل على أهمية الصلاة وأنها من الأمور الهامة التي لا يليق بالعاقل فضلا عن المؤمن أن يتهاون بها أو يفرط فيها. Et donc il dit et ce qui prouve ce que il est en train de dire d'enseigner. Et ce qu'il écrit, le cheikh, l'auteur, il dit ce qui prouve cela, les preuves sont aussi bien dans le livre, dans la sunna, et aussi bien Ijma al-Sahaba qui est narré, qui est rapporté. Il dit que c'est rapporté d'un consensus, un accord chez les compagnons. Sur cela, que celui qui la délaisse en reniant son caractère obligatoire, ou qui la délaisse par paresse, c'est le même statut pour lui. Il sort de la sphère de l'islam. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَهَمِّيَةِ الصَّلَةِ. Pourquoi Cheikh il évoquait cela? Pourquoi l'auteur évoque cette question-là? Pour prouver l'importance de la prière. Pour prouver l'importance de la prière. Par contre, il y a une autre question très importante. Où que là, beaucoup, souvent, beaucoup de jeunes, parfois, on se laisse aller. Le fait de dire, par exemple, qu'une personne ne prie pas, c'est quelque chose de thaqil. C'est un jugement qui est très lourd. Avant de dire qu'une personne ne prie pas, il faut être sûr extrêmement sûr avant de dire qu'une personne ne prie pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, même s'ils ne prient pas ma'al jama'a, ils ne prient pas à mosquée, ils prient chez lui. Il y a des gens, peut-être, on pense qu'ils ne prient pas, même des gens, des membres de la famille. Vous trouvez des gens au pays, ils prient, mais des gens de la famille ne les voient pas prier. Quand il prie, il va dans la chambre, il prend son tapis, discrètement, il fait sa prière. Personne ne le voit. Donc juger qu'une personne a tarak salah, ça c'est une personne qui ne prie pas, il faut être sûr. On ne peut pas juger qu'une personne ne prie pas. Et beaucoup de jeunes jouent avec cela. Jouent avec cela. Surtout lorsqu'il s'agit de mariage. Pour enlever wilayat lilwali, par exemple. Et donc, on ne doit pas juger hâtivement. Ça, c'est très important. Ici, l'auteur nous cite cela pourquoi ? Pour nous prouver l'importance de la prière. Vous avez compris pourquoi l'auteur y cite cela ? Déjà, ça rappelle pour nous de préserver notre prière, de faire attention à notre prière. C'est vraiment le plaisir du croyant, c'est la réjouissance du croyant, c'est la relation qu'il a avec son Créateur. C'est pour cela que certains savants ont dit que celui qui veut parler à son Créateur, qu'il prie. Qu'il prie. Et que celui qui veut que son Créateur lui parle, il veut écouter son Créateur, qu'il lit le livre d'Allah, qu'il lit le Coran. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal te parle. Allah dans le Coran nous parle. Pourquoi ? Parce que huwa kalam Allah. Allah il nous parle dans le Coran. Donc celui qui veut entendre la parole d'Allah, qui veut son Créateur lui parle, qu'il lise le Coran. Dans de nombreux versets, Allah Azza wa Jal dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous les croyants. Donc si toi, tu te comptes parmi les croyants et tu veux être parmi les croyants, Allah Azza wa Jal s'adresse à toi dans son livre. Et que celui qui veut parler à son Créateur, alors qu'il prie, il y a ce qu'on appelle al-munaja dans la prière. C'est très important. Donc la prière pour le croyant, c'est quelque chose d'immensément importante. Et l'auteur, c'est ça qu'il veut mettre en exergue. C'est ça qu'il veut mettre en avant. Que le croyant ne peut pas délaisser cette prière. Et il ne faut pas qu'il délaisse sa prière. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَهَمِيَةِ الصَّلَاةِ وأنها من الأمور الهامة التي لا يليق بالعاقل فضلا عن المؤمن أن يتهاون بها أو يفرط فيها. Il dit donc si cela indique et ça indique l'importance de cette prière là, alors il ne convient pas à la personne, il dit douée de raison, à plus forte raison, aux croyants de se laisser aller et de faire preuve de paresse et de négligence concernant sa prière. Et de ne pas négliger sa prière. Rabihan, quatrième point, prouvant l'importance de la prière. Qala, an Allah faradaha ala rasulihi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam fawqa as-samawati as-sab' fi a'la makanin yasil ilayhi al-makhluqun. Quatrièmement, ce qui prouve l'importance de ce pilier de la prière, c'est que Allah azza wa jal l'a prescrite, l'a commandée et ordonnée dans l'endroit le plus haut, le plus élevé, au-dessus des sept cieux. فوق السماوات السبع. C'est la seule adoration qui a été ordonnée directement, sans intermédiaire. Allah Azza wa Jal l'a ordonnée, prescrite au prophète sans intermédiaire. Et donc, au-dessus des sept cieux. Fi a'la makanin. Il dit dans l'endroit le plus haut, le plus élevé. Yasil ilayhi al-makhluqun. Dont les créatures peuvent accéder. Peuvent accéder. Et donc, ça, il dit, ça prouve justement l'importance de la prière. Thumma qala al-musannif. Khamisan. Cinquième point. أن الله فرضها علي في أفضل ليلة في حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ce qui prouve l'importance de la prière. Cinquième point. Ça, c'est bien de les prendre, de les inscrire. Les prendre. Comme ça, c'est un jour. Vous êtes parfois invité. Vous êtes dans des assises. Vous êtes soit avec des amis, ou soit vous êtes avec des proches. soit vous êtes avec de la famille, on est assis parfois. C'est bien parfois si on veut faire un rappel, on évoque l'importance et le mérite et la grandeur de cette prière et la valeur immense de cette prière. Si vous vous rappelez des différents points que mentionne Cheikh, il sera aisé et facile pour vous ensuite de faire un rappel sur ça. De rappeler les gens, beaucoup de gens de notre communauté, beaucoup de musulmans oublient que la prière elle a été prescrite, commandée dans l'endroit le plus haut. Que cette prière-là, le cinquième point, regardez, qu'Allah Azza wa Jal faradaha alayhi fi afdal layla fi haqq Rasulullah sallam. Elle a été prescrite dans une nuit qui est la meilleure nuit pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure nuit pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ? C'est la nuit de son voyage. C'est la nuit lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut transporté jusqu'à Jérusalem, Beit al-Maqdis, et ensuite qu'il a fait l'ascension. Il a fait ce qu'on appelle al-Mi'raj. Donc c'est la meilleure nuit pour le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. نكتفي بهذا القدر بإذن الله ونواصل الكلام إن شاء الله في حلقة قادمة. Donc on se contente de cela إن شاء الله et on continuera إن شاء الله dans une prochaine assise si Allah nous le permet. والله أعلم وبارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.